La saison était magnifique. Les nuits douces, fourmillantes d'astres, succédaient aux calmes soirées, les soirs sereins aux jours radieux, et les jours radieux aux aurores éclatantes. Petite mère se trouva bientôt mieux portante, et Jeanne, oubliant les amours de Julien et la perfidie de Gilberte, se sentait presque complètement heureuse. Toute la campagne était fleurie et parfumée, et la grande mère, toujours pacifique, resplendissait du matin au soir sous le soleil. Jeanne, un après-midi, prit Paul en ses bras et s'en alla par les champs. Elle regardait tantôt son fils, tantôt l'herbe cribée de fleurs le long de la route, s'attendrissant dans une félicité sans bornes. De minute en minute, elle baisait l'enfant, le serrait passionnément contre elle. Puis, frôlée par quelques savoureuses odeurs de campagne, elle se sentait défaillante, anéantie dans un bien-être infini. Puis elle rêva d'avenir pour lui. Que serait-il? Tantôt, elle le voulait grand homme, renommé, puissant. Tantôt, elle le préférait, humble et restant près d'elle, dévoué, tendre, les bras toujours ouverts pour maman. Quand elle l'aimait, avec son cœur égoïste de mère, elle désirait qu'il restât son fils, rien que son fils. Mais, quand elle l'aimait, avec sa raison passionnée, elle ambitionnait qu'il devînt quelqu'un par le monde. Elle s'assit au bord d'un fossé et se mit à le regarder. Il lui semblait qu'elle ne l'avait jamais vu. Et elle s'étonna brusquement à la pensée que ce petit être serait grand, qu'il marcherait d'un pas ferme et qu'il aurait de la barbe aux joues et parlerait d'une voix sonore.